just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone. Boop-boop-bidoo. Le cinéma, c'est comme l'acte sexuel. L'autre prend votre corps pour illustrer des fantasmes où vous n'êtes pas. Nobody else but you. La tendresse en moins. I wanna be kissed by you. Alone. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Troisième épisode. Août 1960. Les difficultés liées aux différents tournages continuent. Après Le Milliardaire, dirigé par Josh Cukor, John Huston propose à Marilyn le rôle féminin dans The Misfits, Les Désaxés, scénario tiré d'une pièce d'Arthur Miller avec Clark Gable et Montgomery Clift. Les extérieurs doivent être tournés à Reno, dans le Nevada. Marilyn n'est pas là. On l'attend. Elle embarque à l'aéroport de New York LaGuardia, débraillée, ravagée, des poches sous les yeux, des taches de sang sur sa jupe. Quelques heures plus tard, l'avion se pose à Reno. Marilyn se change dans les toilettes de l'appareil, faisant attendre tout le monde comme à son habitude. Au bas de la passerelle, venue lui souhaiter la bienvenue avec des fleurs, la femme du gouverneur de l'État s'impatiente. Les photographes sortent leurs flashs. Enfin, la star débarque de l'avion, tel un rêve blanc trouant la nuit. Le lendemain, dans le désert, par 40 degrés à l'ombre, Marilyn commence les prises. Éclairant de sa pâleur tous ceux qui l'entourent, elle apparaît moulée dans une robe de soie blanche aux innombrables cerises rouges, portée sans rien dessous. Elle était le symbole d'une pureté intangible. Une déesse d'effroi qui pouvait donner la mort, ou par un sourire à vous seul adressé, vous briser le cœur. Action ! Lorsque Huston le lui avait proposé quelques mois plus tôt, Marilyn n'avait pas beaucoup aimé le rôle de Roselyn, cette femme perdue entre trois hommes et des chevaux promis à la boucherie. Elle lui ressemblait trop. Je lui ressemble trop. Elle est comme le double de moi-même. Les mêmes angoisses, le même sentiment d'abandon. La même difficulté à vivre. Roselyne. Arthur a écrit ce rôle pour me dire son amour et sa haine. Elle n'avait finalement accepté le film que parce qu'elle en avait assez de jouer la comédie et que c'était Huston qui avait écrit le scénario final et non Miller qui avait taillé la première version sur elle comme un vêtement fatal. Pourquoi veux-tu tourner en noir et blanc ? Parce que avec tes yeux injectés de sang, tes capillaires éclatés par la dope, on n'aurait pas pu tourner en Technicolor, même si j'en avais eu l'intention et le budget. Prends pas ça mal, hein. On va pas t'envoyer une autre azade de pilules. Je t'aimerais pas plus morte. Les névroses et suicidaires m'ont toujours tapé sur les nerfs. Tuez-vous si vous devez vous tuer, mais n'emmerdez pas les autres. Et puis tu sais, lorsqu'il s'agit de psychologie plutôt que la couleur des yeux, je veux saisir ce qui se passe derrière les yeux. Pourquoi moi ? Parce que t'es une pute, pas une actrice. Et comme les vraies putes, t'es bonne, tu fais pas semblant. Tu paies de ta personne, de ton corps, de ton âme. Mais en fait, Tu sais que c'est pas toi, cette femme. Tu ne joueras pas, Roselyne. Tu donneras au spectateur ce qu'il veut sentir, voir, aimer. Comme ça. Comme une pute qui tient à ce que le client en ait pour son fric. Mais le film n'avance pas. Et prenant son mal en patience, Houston perd dans les casinos l'argent de la production. Marilyn ne sort plus de sa caravane. Elle va vers l'intérieur, toujours davantage, car elle ne croit qu'à la méthode de l'acteur studio. La Fox décide de faire appel à Grinson. Marilyn rentre à Los Angeles. Mon problème de désespoir dans le travail et dans ma vie. Je dois commencer à y faire face continuellement. À faire en sorte que la routine de mon travail soit plus continue et plus importante que mon désespoir. Vous ne parlez pas beaucoup de votre vie sexuelle. Vous savez, docteur, ma vie sexuelle... Ma vie, tout court. Je la vois comme une suite de faux raccords. Un homme y entre, s'agite, me prend, me perd. Au plan suivant, on voit le même homme, ou parfois un autre. Entrer une seconde fois, mais il n'affiche pas le même sourire. Les gestes ont changé. L'éclairage. Le verre qu'il tient était vide tout à l'heure, et maintenant il est à demi plein. Nos regards se croisent à nouveau, mais ils sont différents. Le temps a passé sur l'image que nous renvoyons, et pourtant nous y sommes encore pris. Nous rencontrant toujours pour la deuxième fois, nous croyons l'un et l'autre que c'est la première. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi non plus. Peut-être est-ce cela la réalité des rapports entre hommes et femmes. Une suite de faux raccords. Écouter Marilyn avait amené Grinson à conclure que son problème n'était pas sexuel. Il s'agissait plutôt d'une sorte de désordre de l'image d'elle-même, une image vraie mais qui la protégeait contre une autre vérité insoutenable. Il revoyait aussi cette Marilyn de 20 mètres de haut s'étalant sur la façade du Love State Building à New York. Une image retransmise par toutes les chaînes de télévision 5 ans plus tôt. L'immense fleur blanche de chair et de robe soufflée avait flotté sur Broadway pendant les 15 jours précédant la première du film « 7 ans de réflexion ». Grinson, qui ne la connaissait alors que par ses rôles, la voyait incarner le fantasme dans son essence. Mais il se demandait si les icônes du désir avaient elles-mêmes un désir. Just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Deuxième séance, le soir du même jour. Marilyn est assise face à son psychanalyste. Lorsqu'on est célèbre, chacune de vos faiblesses est amplifiée au maximum. Le cinéma devrait se conduire à notre égard comme une mère dont l'enfant vient tout juste d'échapper à un accident de voiture. Mais au lieu de nous prendre contre lui et de nous consoler, il nous punit. Le cinéma, c'est sans arrêt ça. Prendre. Toujours prendre. On appelle ça justement des prises. Des séquences qu'on vous fait refaire 100 fois. Mais qui donne, hein? Qui reçoit? Qui aime? Avez-vous remarqué, docteur, qu'à Hollywood, où des millions et des milliards de dollars ont été gagnés, il n'existe même pas de monument ou de musée? Nul n'a laissé quelque chose derrière soi. Tous ceux qui sont venus ici n'ont su faire qu'une chose. Prendre! Prendre! Nous allons en rester là. Vous aussi, vous dites coupé, prise suivante, Marilyn dernière. Une scène de désaccès avait brisé Marilyn. Celle où Roselyne empêchait les trois hommes de soumettre et de tuer le cheval Mustang qu'ils vendraient ensuite à la boucherie. La séquence se terminait par un plan très dur. À contre-jour, le corps coupé en deux par la ligne d'horizon. Elle se retournait vers Clark Gable et lui criait « Je te hais ». Ce n'était pas la bête qui souffrait, c'était elle. Elle n'était plus qu'un corps de détresse dans la lumière des projecteurs. Elle souffrait physiquement. Elle ne pouvait plus se dire que ce n'était que du cinéma, que des images. Celles qu'on prenait d'elle et qui jadis lui faisaient tant de bien n'étaient plus qu'une blessure, une peau arrachée lambeau par lambeau. Pause et on repart à 13h. Chaque fois que des photographes agglutinés l'appelaient pour qu'elle tourne les yeux vers leurs objectifs ou qu'elle lève la tête, elle se sentait comme le cheval qu'on dompte de la voix, puis qu'on immobilise au lasso pour qu'il ne bouge pas, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une chair paralysée de peur et de haine. Le samedi 20 août, la veille de la première du milliardaire au Crest Theater de Reno, à laquelle Montand et Signoret sont invités, Marilyn reste introuvable. L'après-midi, la Sierra prend feu et des panaches de fumée obscurcissent le ciel. Des avions tentent en vain de déverser des produits pour arrêter la progression du brasier. Les lignes alimentant la ville sont coupées et Reno est plongé dans le noir. La première est annulée. Sur la terrasse du Mapes Hotel, désert, à la seule lueur de l'enseigne du toit, rétro-éclairé par la lumière blanche d'un générateur, Marilyn boit du champagne avec les techniciens du plateau et regarde les incendies au loin dans la nuit. Le 26 août, Marilyn quitte à nouveau le plateau des désaccès. Le bruit court qu'elle a échappé à la mort volontaire grâce à un lavage d'estomac. Elle est rapatriée à Los Angeles par une chaleur torride. On la transporte à l'intérieur de l'avion enroulée dans un drap humide. Le tournage est suspendu pour une durée indéterminée par décision de la production. On a dit de moi que j'étais liquidée. Que c'était la fin de Marilyn. Être fini, ça doit être un soulagement. On doit se sentir comme un coureur de 100 mètres qui a coupé le fil et qui se dit avec un grand soupir « Ça y est, c'est terminé. » En fait, rien n'est jamais terminé. Il faut toujours recommencer. Quand j'ai dû interrompre le tournage, j'ai su qu'elle était foutue. Une prémonition. Coupée. Condamnée à mort. On en prend une autre. Elle ne pouvait se sauver ni être sauvée. J'ai vu dans quel vide elle s'enfonçait, de son pas de somnambule, et j'ai pensé, dans 3 ans, elle sera morte ou en institution. C'est pas Hollywood qui l'a tuée. Ce sont ces putains de médecins qui l'ont tuée. Elle était dingue des pilules. Ils l'ont accroché aux pilules. Marilyn ne s'effondra pas tout de suite. Arrivée à Los Angeles, elle se fit aussitôt conduire au Beverly Hills Hotel. Le soir, Grinson et Hyman Engelberg, son généraliste, décidèrent une hospitalisation. Ils l'informèrent ensemble de la suspension du tournage et lui conseillèrent une semaine de repos, mais pas à l'hôtel, ni chez elle. Marilyn fut admise dans une chambre confortable du Westside Westbrook Hospital, sur la Cienega Boulevard. Sous le nom de Mrs. Miller, elle y passa 10 jours et reçut la visite de Marlon Brando et de Frank Sinatra. De l'hôpital, elle ne put s'empêcher d'appeler Yves Montand. Hôtel Beverly Hills, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais parler à Monsieur Montand, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? Marilyn Monroe. Je suis désolé, madame, mais Monsieur Montand ne peut pas vous prendre. Quand le psychanalyste la vit, après cet appel passé dans le vide, elle était comme égarée. Vous avez vu ce qu'il dit ? Ce salaud. Dans son interview avec cette pute de Hedda Hopper. Il dit que je suis une enfant délicieuse, dépourvue de malice, s'était prise de lui comme une collégienne. Une gamine en chaleur. Il regrette d'avoir cédé. Il prétend que c'est par faiblesse envers une détresse enfantine. Il a même dit qu'il m'avait baisé uniquement pour donner aux scènes d'amour du film une intensité plus réaliste. Vous devez absolument reprendre le tournage. Vous êtes dans une impasse. J'appelle ça impasse de l'amour. Quand on y est pris, on ne peut faire du mal à l'autre qu'en s'en faisant à soi-même. C'est comme une fourchette aux échecs. On n'a le choix qu'entre deux façons de perdre. Quelques jours plus tard, dans sa villa de Santa Monica, il reçoit Houston venu aux nouvelles. Nous avons besoin d'elle. Tout est bloqué à cause de ces conneries qui finiront par la tuer. Quand on est une star, on ne peut qu'attendre et faire attendre. Une star n'est plus un homme ou une femme, c'est un enfant. Une star passe son temps à attendre. Attendre entre deux films, entre deux scènes, entre deux prises. Vous ne contrôlez rien. Le temps ne vous appartient pas. C'est très passif. Et plus que les acteurs qui souvent deviennent réalisateurs ou producteurs pour fuir cette attente, les actrices, elles, ont l'habitude. L'attente est le destin des femmes. Il faut la comprendre. Je me porte garant que dans quelques jours, elle pourra reprendre le film. Houston est sur le point de couper court à l'exposé de Grinson lorsque l'apparition de Marilyn au milieu de l'entretien vient confirmer les engagements de son médecin. Bonjour. Je suis consciente du mal que m'ont fait les barbituriques. Mais c'est fini. John ? J'aimerais reprendre le tournage. Tu veux bien ? Marilyn retourna à Reno le 5 septembre. Tout le monde sort du calme, merci. Le tournage dans le Nevada se termina le 18 octobre. Les derniers jours, Arthur Miller écrivait sans cesse le scénario. Et quand on notifiait à Marilyn les modifications de texte, elle restait toute la nuit à préparer les nouvelles répliques. C'est un plan large de toute façon, allez, on y va. Allez, on y va. Début novembre, les scènes en intérieur furent tournées dans les studios Paramount à Hollywood. 62 sur 3, première. Action. En septembre 1960, quand John Huston avait pris l'avion pour Los Angeles afin d'y rencontrer Grinson, il ne voulait pas seulement savoir ce qu'il en était de la dépression de Marilyn, mais aussi discuter du projet de son film sur Freud, pour lequel il rencontrait des difficultés. Le film devait montrer comment Freud soignait la pathologie sexuelle par la parole et retracer ainsi l'histoire de l'invention de la psychanalyse. Par la suite, il avait raconté à Arthur Miller cette rencontre. Tu sais, j'ai fait le trajet Reno-Los Angeles, rien que pour le voir, hein. Pas pour la voir, elle, qui se démerde avec ses pilules. Et lui, ce salaud, il bloque depuis 2 ans mon projet Freud. Elle surgit comme ça au milieu de la conversation et j'ai pas pu faire dire à ce bâtard de psy qu'elle devait tourner dans mon Freud. En l'occurrence, Grinson tentait de concilier les intérêts de son propre héritage intellectuel avec ceux de sa patiente dont il était devenu l'agent. Il gérait les enjeux de sa carrière et ses contrats financiers. Un soir de décembre 1960, Marilyn alla retrouver Frank Sinatra qui se produisait au Sands Hotel de Las Vegas. Deux des sœurs du président Kennedy étaient là, Pat Lawford et Jean Smith. Au retour, Grinson trouve sa patiente terriblement seule et la décrit à Marianne Chris comme étant habitée d'un sentiment de persécution à coloration paranoïaque. Il estime que c'est une réaction à ces gens qu'elle fréquente et qui ne peuvent que lui faire du mal. Mais il ne nomme pas, même par des initiales, les personnes auxquelles il fait allusion. Peu après, Henry Hathaway, qui avait dirigé Marilyn dans Niagara, croisa l'actrice à Hollywood. Elle se tenait seule dans un studio d'enregistrement éteint. En s'approchant, il remarqua qu'elle pleurait. Jouer Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. J'ai essayé de faire autrement. Mais je me suis retrouvée en train de faire une imitation de moi-même. Je veux quelque chose de différent. L'une des choses qui m'ont attirée vers Arthur, c'est quand il m'a dit que ce qu'il voulait, c'était moi. Vraiment moi. Quand je l'ai épousé, je rêvais de pouvoir, grâce à lui, m'éloigner de Marilyn Monroe. Et maintenant, je me retrouve en train de faire la même chose qu'avant. Je peux pas le supporter. Je veux sortir de là. Je ne peux pas accepter de tourner une autre scène avec Marilyn Monroe. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Troisième épisode, avec Clotilde Morgiève, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Joanna Nizar, la narratrice, John Arnold, John Huston, Liber Ramad, le standardiste, et avec Alexandre Aubry, Claire Boget, Brice Berrier, Anne Carr, Patrick Fontana, Frédéric Lebray, Christophe Gauzeran, Marie-Anne Mestre, Florent Houlier, Sandra Velluccia. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.